bon emploi. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Guémozo 107 FM, nous sommes en direct, il est midi tout pile et bon appétit à tous. Et aujourd'hui avec nous, ambiance légère, nous accueillons Mustapha Ait Allah, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille. Ait Allah. Mustapha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Eh ben ça va bien, tutoie-moi s'il te plaît, je me sentirai vieille autrement. Ok, je te tutoie. Ok, on va se tutoyer. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tu n'es plus un inconnu maintenant dans les studios de RGM, hein. Tu n'es plus un inconnu pour les auditeurs non plus. On t'a déjà reçu pour diverses raisons et projets. Tu es pour le moins qu'on puisse dire multicasquette, si je puis me permettre. Ouais, c'est ça. On te l'a déjà faite celle-là. Ouais, on me l'a déjà faite. Beaucoup sur le terrain, un peu partout. On voilà. Défend la culture, donc. Et ben voilà. Alors auparavant, directeur de centre de loisirs, rappeur, ouais. etc. Tu es aujourd'hui à la tête des studios Airplay, et ça, nous le savons déjà hein, depuis un moment. Nous avons déjà reçu plusieurs de tes artistes. Hein. J'espère qu'ils vont tous bien, d'ailleurs. Ils vont super bien. Franchement, les artistes du studio travaillent. Ils sont un peu dans l'ombre, là, parce que voilà, c'est... Il y a du gros projet qui arrive. D'ailleurs, ouais. on vous fera écouter le morceau de Steven Savvy, Dance With Me, tout à l'heure. D'accord. Un album qui arrive. Et c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps. C'est un an de travail, mais ça en vaut la peine. Ouais, voilà. Les efforts payent. Voilà. Alors, tu avais également participé il y a quelques temps à une exposition sur le sujet de l'abolition de l'esclavage. Oui, c'est ça. Tu avais soutenu la maternité de Remiremont. Toujours. Voilà, on voit déjà dans ce bref descriptif que tu as une grande affection pour cette vallée et son département. Alors, d'où ça te vient, cet amour que tu as pour nos Vosges, pour ici, pour Remiremont, pour tout ça? Tout simplement ma naissance. Hein. Ouais. Ma naissance. Hein. Je suis le premier de ma tribu. Ah. Parce que mes parents viennent du Maroc, donc ils sont berbères. D'accord. Ils viennent du sud, donc ils sont arrivés ici dans les années 70. Et j'ai déjà deux grands frères qui sont nés au Maroc. D'accord. Et moi, je suis le premier à être né à Remiremont. D'accord. Donc de toute la tribu aussi également à Ait Allah. Ouais. Je suis le premier français, en fait. D'accord. Donc. Être né dans le territoire français et plus précisément à Remiremont. D'accord. Donc voilà pourquoi mon attachement à cette ville et ses vallées également. Ouais, et également mes deux enfants qui sont nés ici également. Donc, d'accord. Voilà, c'est normal. Ouais. Et puis on s'y attache et pourquoi pas. Bah carrément. C'est tout. Mais bon. On aime là où on est. Moi j'aime cette ville, j'aime ces vallées, j'aime les Vosges. Et tu aimes les jeunes, etc. Hein, on voit, tu fais plein de choses pour dynamiser, pour accueillir et puis soutenir les jeunes. On entend beaucoup parler de ça, hein, Airplay, Mustapha, c'est vraiment celui qui a envie de faire bouger les choses et puis de donner quelque chose aux jeunes ici. Je l'ai beaucoup entendu, donc voilà, je te transmets. En tout cas, c'est le but. Hein, c'est le but de... Quand on peut, voilà, on essaie de le faire. Si vraiment on peut pas, c'est vraiment on est quelque part où on fait quelque chose, mais dès qu'on peut rendre service, dès qu'on peut aider une association à sonoriser ou à faire des choses, on est là, bien sûr. Ah bah et donc. Donc voilà, c'est quel soutien. Bah il faut. C'est comme ça que ça marche. Alors aujourd'hui, tu t'es fixé un nouveau objectif rassembler et faire rire dans les Vosges, car tu as créé avec ton ami, Daniel Ndao, une structure de stand-up dans les Vosges, Total Comedy. Voilà, c'est une association de deux associations, donc la nôtre, ouais. Airplay et donc Titan Divertissement. D'accord. Donc Titan Divertissement faisait déjà des spectacles à la Louvière à Épinal. Donc ils ont déjà reçu donc Ahmed Silla, Djal, ouais. Laura Lone. Et cette année, on s'est dit, voilà, pourquoi pas s'élargir un peu dans toutes les Vosges. Hein. Ouais. Et de pouvoir travailler mutuellement sur un concept, donc Total Comedy. D'accord. Avec plusieurs humoristes de qualité, bien sûr. Ah oui. Ça nous évite aussi de pouvoir partir sur Paris ou dans les grandes villes pour aller les voir. Et ils viennent chez nous. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a lié nos forces, de pouvoir convaincre aussi également les producteurs, les grands artistes de venir chez nous dans les Vosges. et grands artistes, voilà, tu fais peu dire. Il y a eu quand même des grands noms, hein, qui sont venus. Je pense, voilà, à la Bajon. Qui a ouvert le bal d'ailleurs ? C'est Laura Lone. C'est Laura Lone, hein, qui a ouvert le bal du projet, donc Total Comedy. Voilà, Laura Lone qui a, il me semble, participé à Incroyable Talent 2017, avec un humour quand même plutôt décapant. Et le nom de sa tournée 2018-2019, eh ben, ne nous contredira pas. Le diable est une gentille petite fille. Alors, amour, voilà, humour très, très caustique. Hein. Donc, elle s'était produite donc, en premier. Elle a ouvert le bal donc, à l'auditorium d'Épinal. Ouais, c'est ça. Voilà. Et s'en est suivi la Bajon à la Rotonde. À Gérardmer. Au casino. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est une ouverture. C'est la première fois que le casino. Nous ouvre la porte de son cinéma qui maintenant devient une salle de spectacle. D'accord. Et c'est un challenge donc avec le directeur donc du casino et également son projectionniste Alban. C'est par lui que s'est fait la rencontre. D'accord. De pouvoir aussi proposer à une échelle de 400 personnes. Oui. Donc, c'est donc la salle fait 400 places. D'accord. Et ça crée ce côté intimiste avec l'artiste. D'accord. Et c'est pour cela qu'on a mis la Bajon là-bas. Et vraiment, c'était super. Et la Bajon a aimé cette salle. C'est vrai. Ce côté intimiste qui a dit, ah, c'est vraiment parfait pour nous. Et donc, vu son succès, donc, du coup, on prolonge le spectacle de la Bajon. Donc, le 24 octobre prochain, elle reviendra à la Rotonde. Elle reviendra à la Rotonde. Alors, on l'a bien compris, hein, il y aura plusieurs lieux pour accueillir tous ces spectacles stand-up de Total Comedy. Gérardmer, Taon. Gérardmer, Taon, Épinal et Remiremont. Donc là, on est en train de voir ce qu'on va programmer. Mais on a déjà une programmation qui va jusqu'à 2020. Mi-2020. Ah oui. Déjà, ouais. On a plein d'artistes qu'on vous annoncera au fur et à mesure. Allez sur la page Total Comedy et vous verrez que, voilà, que presque toutes les semaines, on vous annoncera un artiste qui sera donc programmé dans les Vosges. Super. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute un petit extrait ? Ouais, on commence par qui ? Eh ben, on peut commencer par la Bajon, puisqu'on est en train de parler d'elle. Ok. Hein ? On se laisse le plaisir de la suite, j'ai envie de te dire. Pas de soucis. Donc, la Bajon qui est venue donc, dans la salle du casino de Gérardmer et qui reviendra le 24 octobre à Taon-les-Vosges. Et voilà, je pense qu'à mon avis, ça va être encore un grand succès. On en Merci. Reparle tout de suite après cet extrait. Je suis l'avocate d'Emmanuel Macron. Il va comment en ce moment ? Mal, très mal, il est crevé. Mais attendez, il est crevé, il est président depuis à peine un an et demi, il a pas fait tant de choses que ça. Vous plaisantez, vous avez vu ce qu'il a réussi à faire ? Il a fait quoi ? Mais il a réussi à nous faire regretter François Hollande. D'ailleurs, j'ai vu que François Hollande, il comptait se présenter en 2022. Oui, il a perdu à Paris. Il paraît que c'est vous qui avez conseillé à Monsieur Macron de donner une interview quelques jours avant les Gilets jaunes ? Oui, tout à fait. Je lui ai conseillé ça pour être proche du peuple. En quoi être sur un porte-avions, ça le rend proche du peuple ? Mais comme ça, il sait ce que c'est que d'être mené en bateau. Et notre président, il a suivi les images de la manifestation des Gilets jaunes ? Bien sûr ! D'ailleurs, quand il les a vus faire la chenille en direction de l'Elysée, il s'est dit qu'il avait bien fait de faire refaire la salle des fêtes. Et alors maintenant, il y a des Gilets jaunes aussi qui ont bloqué les stations-service ? Oui, oui, oui. Mais c'est bien ! Bah moi, pareil, avec mon mari, quand j'essaie d'obtenir quelque chose, j'arrête de pomper. Pardon, vous couperez ? Il y a aussi des gens qui étaient obligés d'aller travailler et qui se sont retrouvés bloqués. Et vous avez quelque chose contre le blocage des Gilets jaunes ? Oui, un pare-buffle. Bah dans un sens, je les soutiens parce que je me retrouve avec des Gilets jaunes sur mon pare-brise. Mais alors, à la base, les Gilets jaunes, c'est un mouvement plutôt positif. Et on met en avant que les casseurs et ceux qui ont sorti des insultes racistes et homophobes. Ça a dû choquer, monsieur Macron ? Non, pas du tout. Au contraire, il adore. Comme ça, on a pu généraliser, faire croire que tous les Gilets jaunes étaient comme ça. Vous savez, les casseurs et les racistes, ils sont comme ceux qui détiennent les richesses. C'est-à-dire ? Eh ben, ils sont 1% et c'est grâce à eux que rien ne change. Il y a principalement eu des belles actions, comme ceux qui ont démonté les barrières de péage et qui ont été acclamés par les klaxons des automobilistes. Mais les médias, ils diffusent pas ces images. Ah non. Ni celle des policiers qui ont retiré leur casque en soutien aux gilets jaunes. Aux gilets quoi ? Et d'ailleurs, les forces de l'ordre, elles ont prêté serment de protéger les institutions et les intérêts de l'État, donc des Français, mais quand les institutions ne servent plus les intérêts de l'État, ils peuvent pas se rendre compte qu'ils sont pas tournés du bon côté ? Ah non, mais alors ça, on y réfléchit depuis longtemps. C'est pour ça que les forces de l'ordre, on leur a supprimé le droit de grève. Hein. Mais d'ailleurs, on se répartit les tâches avec les forces de l'ordre. Eux, ils tapent et nous, on s'en tape. Hein. Il y a toujours ce fameux problème de comptage lors des manifestations, mais les médias, là, ils auraient pas pu additionner tous les points de rassemblement des gilets jaunes, parce qu'on a l'impression qu'il y avait plus de monde que 300 000 personnes. Arrêtez. Les médias, ils sont pas là pour additionner, ils sont là pour diviser. Et le gouvernement, ils auraient pas pu comptabiliser les manifestants ? Vous avez pas remarqué, le gouvernement, ils ont vendu la Française des Jeux, les aéroports de Paris, alors que ce sont des entreprises bénéficiaires. Et là, ils sont en train de reprendre la dette de la SNCF pour la faire payer aux Français. Vous voyez bien que la comptabilité, c'est pas leur truc. Et alors, ça sert à quoi? Ça crache sévère avec la bajon. Hein. Ah ouais, elle les cache. Hein. Elle les cache. Et sur scène, c'est encore pire. Mais j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi cet effet de questions-réponses sur scène? Oui, d'accord. Elle est accompagnée par Vincent Leroy, donc son co-auteur. D'accord. Et donc voilà, c'est il y a vraiment ça va dans tous les sens. Il y a le côté interview, il y a le côté sketch, et on la surnomme quand même la petite Coluche. Oui, ouais, c'est vrai. C'est son surnom en ce moment. Et donc franchement, c'est énorme ce qu'elle produit, oui, parce que vraiment sur scène, c'est honneur. C'est un rire toutes les 3 secondes et encore. On a du mal à reprendre le souffle tellement qu'elle envoie. C'est un honneur en plus de la faire venir ici, dans nos Vosges si chéries. Ouais, c'est bien. Et puis en plus, j'ai déjà vu qu'il y avait des personnes qui étaient déjà intéressées pour revenir la voir en l'ayant vue une première fois. C'est un phénomène. Hein, c'est un phénomène. C'est ce que je disais. Moi, je la suis depuis longtemps. D'accord. Mais c'est vrai que quand on l'a programmée à Gérard Armé, ça a été super vite. En 2 semaines, le spectacle était complet. Ouais. On a reçu énormément de messages sur Facebook, sur la billetterie. Ouais, c'est inadmissible, on n'a pas de place et tout, parce que les gens, voilà, on avait créé ce côté intimiste. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a créé. Là, on repart sur une salle de 800 personnes, donc à Tamon-les-Vosges. D'accord. En espérant satisfaire un maximum de monde. C'est vrai que là, on a lancé la billetterie samedi. Ouais. Et ça part déjà énormément vite. Donc dépêchez-vous. La Bajon, voilà, c'est un phénomène. Et donc la seule date dans les Vosges, ça sera le 24 octobre. Waouh. Et donc voilà, je pense qu'elle a hâte de revenir. En tout cas, elle a adoré les Vosges. Et donc c'est pour ça qu'on essaie tant mieux. De chouchouter les artistes aussi. Oui, ça c'est sûr, t'as bien raison. Alors comment ça se passe si on veut se procurer un billet, une place Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a qu'un seul site, donc c'est WizEvent. D'accord. Et vous pouvez retrouver donc, le lien sur la page Facebook Total Comedy. Ok. Donc voilà, donc il n'y a qu'un lien pour l'instant, c'est que en ligne. Et donc le temps que les billetteries... habituels se mettent en place. D'accord. Tu marches un petit peu au coup de cœur quand t'invites un artiste C'est une histoire d'équipe. Ouais. On a, comme je vous ai dit, je travaille avec Daniel Endao. Donc, vous décidez tous les deux. Voilà, et donc on décide. On a aussi un ami là qui est proche et qui nous aide énormément. Il s'appelle Camille Jacot. D'accord. Donc il est avec nous. Il est aussi producteur du jeune artiste Souf. Ouais. Donc voilà, donc également qui fait partie de l'équipe Total Comedy. D'accord. Et qui nous apporte aussi ses conseils bien précieux. Ouais, tu t'es bien entouré. Combien de temps ça a mis entre l'idée, la création de ce projet Total Comedy? Combien de temps vous avez planché pour nous sortir tout ça? Ça s'est fait rapidement finalement ou pas? Ça s'est fait parce que du coup, donc, comme je vous l'expliquais, Daniel Endao et l'équipe qui est en divertissement, où je travaillais aussi avec eux. On faisait des coups par coups sur l'humour. Il y avait donc Ametsila, vous voyez, Adjal. Ouais. Mais c'était du coup par coup, mais on voyait qu'il y avait une grosse demande. Ouais. Oui, une grosse demande dans les Vosges du nouveau, on va dire, des nouveaux humoristes. Ouais, ouais. Sachant qu'ici, bon, dans les Vosges, comme on le voit, c'est toujours des anciens humoristes, Bigard, j'ai rien contre eux. Hein. Mais on oublie aussi qu'il y a une autre partie. Il y a une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui arrive et qu'il faut aussi la soutenir. Et la mettre en avant. Elle est mise en avant dans les grandes villes, comme dans les grandes salles de spectacle, mais pas dans les Vosges. Mmh. Donc l'idée, c'est de pouvoir les ramener, les faire découvrir également. C'était voilà. Important pour toi que voilà, le spectateur n'ait plus à se déplacer dans les grandes villes pour pouvoir... Ça a toujours été mon combat. Ouais. C'est l'accès à la culture. L'accès à la culture pour tous. Ouais. C'est comme tout. C'est comme les gares qui disparaissent. C'est comme c'est tout. C'est vrai. Elle en parle très bien d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est... À un moment donné, si on ne se bat pas nous, bah, on laisse faire. Et puis on se dit, bah, voilà, on laisse la culture à Nancy, à Metz, à Strasbourg. Et donc, du coup, bah, les personnes qui n'ont pas les moyens de s'y rendre, et également parce que ça coûte cher, du coup, si on doit partir sur Paris, comme je vous l'ai déjà expliqué, il faut payer le billet de train ou l'essence. Donc, nous, on essaie vraiment de ramener les artistes et aussi d'avoir un billet accessible. C'est ça. Ça, c'était important. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Parce qu'on voit bien que voilà, les tarifs pour assister à un spectacle comme, de qualité comme ceux que vous proposez avec Total Comedy, eh bien, c'est vraiment très abordable. Mmh. En plus, dans des petites salles, en tout cas... humaines, on va dire. Ça... Voilà, moi, voir un humoriste dans un zénith, c'est pas trop mon truc. Non. C'est trop. Okay. On voit de loin, j'ai déjà fait. C'est pas une expérience qui m'a... Voilà. qui t'a plu. Non, ça m'a pas trop plu parce que non, je préfère avoir une jauge de moins de 1000 personnes, c'est bien. C'est vrai. Voilà. Du coup, c'est des spectacles quand même intergénérationnels que vous proposez, parce que voilà, c'est la nouvelle génération d'humoristes, mais on peut quand même y aller avec toute la famille. Ah oui, c'est des spectacles familiales. Là, on a les prochains qui arrivent, Haroun, hein, oui. Et oui. Donc voilà, c'est aussi des grands artistes, des grands jeunes humoristes qui arrivent et puis qui ont de l'actualité. Ouais. Et franchement, j'invite tout le monde à découvrir parce que. Eh oui, on va d'ailleurs écouter un prochain extrait de Haroun, donc qui se produira le 9 avril et cette fois-ci à l'auditorium de la Louvière à Épinal. C'est ça. Hein, alors, il se donne un petit peu la main avec la Bajon. Il parle aussi d'un sujet très d'actualité. On écoute ça. Les gilets jaunes. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà, je vais vous parler de ce que j'ai écrit cette semaine. Il y a des gilets jaunes dans la salle. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Beaucoup de choses sont dites autour des gilets jaunes. Notamment, on comprend pas le mouvement, c'est quoi ce mouvement, on comprend pas ce mouvement. Écoute, c'est très simple. Qui pense aujourd'hui qu'en France c'est parfait? Vous êtes des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est les gens qui disent il y en a marre. C'est un Français en fait. Il y en a qui disent ouais, mais les gilets jaunes, il y a des racistes dans les gilets jaunes. Surprise! Il y a des cons chez les pauvres. Tu croyais quoi? Je croyais que les pauvres, ils étaient tous gentils. Ils étaient tous là, non, mais nous, on est pauvres, mais on se blottit, ça va, on mange du pot-au-feu. Non! Ça fonctionne pas comme ça. Il y en a aussi, mais les gilets jaunes, il y a des casseurs. Surprise! Quand il y a un mouvement social et que tu essaies de le bloquer par la force, il y a des gens qui s'énervent. Hein, quand tu balances de la bombe lacrymo sur les gens, tout le monde ne fait pas, ah, mais non, ça ravigote. Évidemment qu'il y a des casseurs! Évidemment! Parfois, en plus, t'es content d'avoir des gens un peu fous de ton côté, quand même. Hein, des gens qui sont prêts à se battre. Je le sais que t'es content. Je le sais parce que quand j'étais petit, je jouais au foot. Hein, quand on arrivait dans une équipe à l'extérieur, et qu'en face, tu voyais qu'ils voulaient en découdre avec toi, t'étais content d'avoir 2-3 Kaira dans l'équipe. J'étais content, moi, d'avoir Kevin, le gitan sédentaire. Hein? On avait 14 ans, il venait en voiture au match. Quand il disait à l'équipe adverse, écoutez, j'ai 2 pitbulls dans le coffre. Le camp de gitan là-bas, c'est mes cousins. Il y en a un qui touche à mon équipe, on arrête le foot, on fait un battle royale. Toi, t'étais là, alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? Allez, tac, tac, vas-y, tac, juste pour voir, vas-y. Il y a tout n'importe quoi qui est dit sur les gilets jaunes. Les BFM, ils ont qualifié de certains gilets jaunes de modérés. Des gilets jaunes modérés. BFM, tu sens que les musulmans leur manquent, hein? Ça, c'était une partie de l'extrait de Haroun. Plutôt pas mal, ça donne quand même envie d'aller voir. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut rire de tout. Ouais, c'est ça. Et c'est, ça fait plaisir. Il faut rire de tout. Ça fait plaisir. Quand c'est bien fait. Voilà, tout à fait. Quand on n'attaque pas gratuitement, ça, voilà, c'est ce que je disais souvent. Voilà, nous, par exemple, dans le quartier populaire, on riait de tout. Voilà, de toutes nos communautés. On se vanne et c'est ce que le stand-up apporte, c'est vraiment ce côté on se chambre. Oui. Et donc là, l'artiste le fait avec le public et c'est magnifique, surtout en live. Chaque spectacle est différent en fait. Ouais. Parce que la Bajon à Gérardmer, c'est pas la Bajon à Nancy. Elle joue avec le public, par exemple. Laura Lone, c'est pareil. Tout. Et tout ce monde du stand-up, c'est ce qui est magnifique. Ils improvisent sur le coup aussi ils ont quand même des sketchs bien rodés, mais sur le coup on peut voir le spectacle 3 fois, c'est pas le même. Il y a une vraie interaction avec le public et en plus on en revient toujours un petit peu à la même chose, mais justement cet espace un petit peu confiné, intimiste, ça permet encore plus d'interaction avec l'artiste et voilà, de se sentir vraiment concerné et inclus dans le spectacle, et ça c'est chouette. Alors Haroun, ce sera le mardi 9 avril à l'auditorium de la Louvière, et sachez bien qu'il y a 2 places à gagner, j'espère que c'est encore le cas, hein, sur la page Facebook de Total Comedy. Voilà, et si on veut tenter, et bien on peut tenter. Si on veut encore acheter sa place, c'est possible encore partout. C'est disponible dans tous les espaces billetterie. Haroun, en ligne, Cora, Cultura, d'accord. Carrefour, là où vous êtes là, normalement, vous pouvez acheter votre billet. Eh ben voilà, super. Alors si on se faisait une petite pause, on peut parler de ce que tu proposes aussi avec tes artistes. Hein. On va écouter Steven Savy. Hein, voilà, Steven Savy, donc l'album est fini. Voilà. Il arrive très prochainement, on fera une belle promo autour de cet artiste qui est très prometteur. Oui. Il a beaucoup travaillé, lui, pour produire son album. Beaucoup bossé. Franchement, on a fait des nuits blanches. Et on a encore des cernes. Mais ça en vaut le coup. Voilà, c'est super. Donc, il a mis en boîte son album. Ça y est, on l'a mis en boîte. Donc là, voilà, on est sur la fin. Ouais. Et donc, la prochaine fois que je reviens, ça sera avec lui. Bah super, avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aura un petit clip de prévu? Tu me fais penser à ça quand tu devines nuit blanche. Clip, oui, j'espère. Hein, toujours avec les mêmes équipes, j'espère. Et franchement, on a vraiment des morceaux qui méritent d'être clippés. Et là, on travaille là, avec des... Voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais quand il sera là, il parlera. Qu'est-ce qu'ils bossent ces gens-là? Ah, ils bossent. Ah bah oui, la musique c'est ça. Hein. C'est tout le temps quoi, c'est permanent. Musique, stand-up, t'arrêtes plus. T'es un petit peu hyperactif, non? Ouais, je suis hyperactif. C'est vrai? Ouais, on ne dort pas trop. On dort 3-4 heures par nuit. Vache. Mais bon, voilà, on se reposera plus tard. Tu notes à la retraite. Ouais, c'est sûr. tu notes toutes tes idées la nuit. Franchement, ça s'arrête des fois. Franchement, franchement, j'ai trop d'idées, même pour ici. Mais le problème, c'est que voilà, c'est qu'on n'a pas assez de temps. D'accord. Voilà. Bon, écoute, on prendra le temps un jour de faudra se poser pour noter tout ça. En attendant, t'es bien dans le mouvement, donc continue. Merci. Comme ça. On continue donc avec ce titre Dance With Me de Steven, et puis on se retrouve juste après. Merci. Remember your smile, your face. Next to you, night and day, you're the one that made me happy. Cette affection et ses caresses, c'est mon âme que tu détenais. C'est pour toi que mon cœur battait. You will ask, but I won't give. You will seek, but you won't find me. Now can you believe that the door will be open to emotion and motion. When you said that you want me with passion, you know that I crave you in the action. Now that you are far away, like option. Ton sourire et tes soupirs, ton visage et tes courbes, ton regard et tes gestes valent mieux que le détour. Mon désir de retenir ton âme à ton écoute. Je t'écoute et me mentir. Est-ce bien ça l'amour? Dance, dance, dance with me. Manifested in the dark. You're my favorite fantasy. And I say come, come back to me. Off my fire, you the spark. Oh, you make me feel so high. One day will be the one. You will come back to heal my sadness. Crawl down cause you've lost the best. Hey, je sais qu'usant de tout ton charme, hey, de ta légendaire délicatesse, tu viendras chercher ma tendresse. Ton sourire et tes soupirs, ton visage et tes courbes, ton regard et tes gestes valent mieux que le détour. Mon désir de retenir ton âme à ton écho. Je t'écoute à me mentir. Est-ce bien ça l'amour? Dance with me. Manifesting in the dark. My favorite fantasy. Come back to me. Off my fire, you the spark. Oh, you make me feel alright. Dance with me, Steven Savvy, Savvy. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours angliser son 1, hein, je ne sais pas pourquoi, anglais, Steven Savvy. album prochainement dans les bacs, on voit qu'il a bien bossé, hein. On l'avait reçu il y a quelques temps pour parler de tous ses projets, et là le son il est vraiment différent. Ah ouais. Oui, parce qu'il est passé en mastering, ouais. La première fois qu'on était venu, je crois qu'on l'a fait en acoustique, ouais, ou, ouais. Et donc là, voilà, donc là, on sent que l'album il est fini, c'est passé dans les grosses machines. Et oui. Et donc ça arrive, et c'est un morceau qui et donne bah oui. envie de danser. Ah bah c'est sûr, je le connais déjà presque par cœur, dis donc. Ah bah voilà. Et également un grand, voilà, je tiens à féliciter mon beatmaker Dorian Madalumno. Oui. Dorian donc qui fait un grand travail sur le studio, avec toutes les compositions viennent de lui. Pour moi, je trouve que c'est lui déjà le moteur. D'accord. Du Airplay Records. C'est grâce à lui que les artistes puissent avoir cette qualité sonore. C'est vrai. Et donc voilà, il faut aussi remercier ceux qui bossent derrière, oui. Avec acharnement toutes les nuits, il est dessus avec plein d'artistes. Les hommes de l'ombre. Voilà, donc Dorian Madalumno, pour moi c'est le meilleur beatmaker pour moi du monde. Voilà, chacun a son beatmaker, moi je trouve que c'est... Voilà un bel hommage. On fait la paire. Voilà. C'est super. Donc c'est lui qui compose, c'est lui qui compose tout ce que vous entendez depuis le début, c'est lui. Et j'ai la chance de travailler avec lui. Eh bah, franchement, très bon c'est boulot. Une chance. Eh bah, on te salue, voilà. Et on te félicite en tout cas. Voilà. Très bon boulot. On se tiendra informé donc pour cette prochaine sortie d'album. En plus, il a tout pour lui, le jeune homme. Hein. Il est plutôt beau, il chante bien, il présente bien. Voilà. Je pense qu'on va le voir bientôt. Hein, dans toutes les émissions, il fait tous ses talents. C'est ça. Alors on en revient à notre sujet principal, hein, Total Comedy, cette nouvelle association donc, de stand-up qui nous propose une multitude de spectacles avec des grands noms. Et la prochaine date après Haroun, hein, vous pouvez encore vous procurer des billets si vous êtes intéressé par son spectacle, que l'on vous recommande, hein, parce qu'on a déjà bien rigolé avec le petit extrait qu'on vous a passé juste avant. Ensuite, après Haroun, ce sera Camille Lelouch qui se produira donc à l'espace Lac de Gérardmer, donc le 17 avril. Donc Camille Lelouch, on ne la présente plus. Hein. C'est vrai. Elle est partout. Donc, encore une artiste qui nous a fait confiance et qui vient dans les Vosges donc, pour un spectacle donc, unique donc, dans les Vosges à l'espace Lac. D'accord. Donc ça se passe le 17 avril, hein, mercredi 17. Je pense que c'est les vacances scolaires, je pense. Oui. Hein, on sera en vacances scolaires. Ouais. Donc voilà, c'est les vacances scolaires. On va rigoler. Et donc Camille Lelouch qui est extraordinaire dans ses vidéos. Elle est suivie par énormément de monde sur Instagram, YouTube. C'est vrai. Et donc elle traite de l'actualité à sa façon, de elle-même, de la vie quotidienne. Et donc voilà, c'est une artiste, je pense son spectacle, je ne l'ai pas encore vu, mais les extraits qu'on a pu recevoir sont énormes parce qu'elle chante, elle vient aussi de The Voice, elle est demi-finaliste de The Voice. D'accord. Et donc du coup, elle a quand même un spectacle, c'est un show en fait, entre le chant, entre le comique, elle se déguise, elle est super marrante. Voilà, en tout cas, voilà. Ah ben, dis donc, on a hâte de voir ça. Est-ce que c'est la seule date dans les Vosges pour tous ces artistes? C'est la seule date dans les Vosges. Et c'est pour ça qu'on a la chance. Incroyable. Et de pouvoir les accueillir. D'ailleurs, quand on peut faire une prolongation comme la Bajon, on le fait. Selon leur tournée aussi. Oui. Donc là, elle est venue à Gérardmer, elle revient, elle fait le tour, elle revient chez nous. Mais on a la chance de pouvoir avoir cette confiance. Ça, c'est super. Ouais, Dieu merci. Et ben voilà. Alors, bien sûr, on va écouter un extrait du spectacle de Camille Lelouch, hein, pour vous en dire un petit peu plus. C'est un petit teaser. Il a bien travaillé, Mustapha, il nous a tout ramené. Ah, je vous ramène tout. C'est normal, c'est faire de la promo et c'est normal de pouvoir de dévoiler les artistes aux gens qui ne les connaissent pas aussi. Oui, oui. Voilà. Encore une fois, accessibilité à tous, à la culture. C'est ce qu'il faut. Et à l'humour, c'est très très important de rigoler. On écoute ça tout de suite. Arts Live présente... Bonjour et bonjour, je m'appelle Ninette, je suis la cousine de Kim Kardashian. Hugo! Tu t'es mis devant, tu assumes. Quand je l'ai connu, il n'était pas très vieux. Il commençait à peine à faire pipi au lit. Il y en a tellement, elles montent leurs pantalons hauts, on dirait qu'elles vont se fendre en deux, quoi. Bah, pour vous donner une idée de ma vie de merde, tellement les huissiers viennent chez nous, je leur ai fait la double des clés. Bah, tous mes collègues du relais routier, tout ça, ils me disent « Ouais, Clo-Clo, t'es pas féminine. Hein. » Ça me casse les couilles. J'ai quand même fait deux tentatives de suicide à cause de ça. Une à l'aspégique et l'autre au guacamole. Ouais. Et voilà, vous pourrez venir vous aussi applaudir eh bien, Camille Lelouch, ça se passera à l'espace Lac de Gérardmer le 17 avril. N'hésitez pas déjà à prendre vos billets, hein, parce que si ça part aussi vite que les autres... C'est bientôt complet, Camille Lelouch. Alors vite, vite. Alors allez-y, allez-y. Là, je pense qu'il nous reste quoi, une cinquantaine ou une centaine de places. Quoi. D'accord. Voilà, on n'est pas... Sur 700, 800, je crois, donc c'est pas mal. Donc dépêchez-vous. Donc allez-y, ouais, parce que là, franchement, je pense qu'on veut... C'est limite, limite. J'imagine que tous ces espaces, enfin toutes ces collectivités qui accueillent ces artistes, ils ont dû être quand même ravis. Est-ce qu'ils ont tout de suite accepté le projet? Est-ce qu'il y a eu quelques... Oui, non, bah, franchement, entre nous, comme récemment, donc Gérardmer, c'est pour moi, c'est une belle aventure. Oui. Parce que ça commence par une rencontre. Ensuite, j'ai pu voir visiter la salle. Et on s'est imaginé de qu'est-ce qu'on pouvait faire là, ici. Quoi. Ouais. Donc, l'espace-là qui existait déjà pour les gros événements, ouais. On s'est dit pourquoi pas créer une petite salle comme d'intimiste. Dédiée. Et on l'a expérimenté, ça a super bien marché. D'accord. Et également, on aimerait par la suite que cette salle soit également appropriée aux jeunes artistes du coin. Ouais. Pour pouvoir créer des résidences d'artistes. Ah ouais. Donc voilà, donc ces résidences donc autour de l'humour, ouais. Autour de la musique également. D'accord. Donc voilà, donc avoir une petite salle de pouvoir créer son show. D'accord. Donc là on est en train de voir très prochainement, on a déjà des artistes qui pourront déjà faire leur résidence et ensuite une sortie. Ça veut dire une fois qu'ils auront fait la résidence une semaine, travailler le show, bah, proposer le spectacle, par exemple le vendredi soir. Et gratuit pour les gens, où on verra comment ça se passe. Voilà, c'est toujours c'est un bon échange. Ouais. On travaille ensemble et également on peut le montrer au public, ouais. En avant-première sur Gérardmer. Ça, c'est super. Donc voilà. Donc ça sera des artistes locaux, ça. Locaux, on aimerait bien vraiment avoir des artistes locaux et après on a aussi des artistes connus, ouais. Qui pourront venir travailler et peut-être aussi proposer essayer leur show. Ouais. Chez nous. Et surtout à Gérardmer, je veux dire, c'est quand même vraiment aimé hein, du public et de toutes les personnes. C'est une belle ville, ouais. Il y a beaucoup de tourisme également. Et je pense que c'est une ville qui va se développer normalement dans la culture également et qui est déjà développée. Oui. Hein. Je ne vais pas se mentir, il y a déjà beaucoup de choses à Gérardmer. C'est vrai. Et je pense que ça va continuer. En tout cas, ils le font très très bien. Eh bien, tant mieux. On leur souhaite plein de succès. Et puis à tous les artistes. Et puis à Total Comedy, bien sûr. Merci. Donc les prochaines dates, hein, vous les avez notées. C'est Camille Lelouch le 17 avril. Mais avant, Haroun à Épinal le 9 avril. Et toutes ces informations, vous les retrouverez sur la page Facebook de Total Comedy. Où vous retrouverez tous ces événements. Et vous pourrez obtenir des billets directement par ce biais. Oui. Hein. Voilà. Ça, c'est simple, c'est pratique. C'est simple. C'est accessible à tous. Pas besoin de bouger de chez soi. Venir à la maison. Il y en a pour tout le monde. On a un peu besoin de bouger. Bah voilà. On peut prendre les billes à la maison tranquillement. Alors, Mustapha, Total Comedy, c'est pas le seul projet que tu as en cours. Hein. On a parlé de Airplay, de tes artistes, etc., etc. Il y a également quelque chose qui va bientôt arriver. Ça se passe le 21 juin. Mmh. Hein, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Hein, ah, je pense, oui. 21 juin, donc la date de la fête de la musique. Ouais. Une belle fête de la musique que nous sommes en train d'organiser. Ouais. Donc avec la ville d'Ornemont. D'accord. Et donc nos partenaires. Donc, alors je tiens donc à vous dire que ce projet-là donc, est porté par Airplay. Ouais. Mais il est aussi porté par les commerçants. D'accord. Par par des associations également. En fait, le projet, c'est que je me suis dit, parce que donc on devait recevoir Pierre Paujac il y a un an ou deux, je sais plus, et donc il n'a pas pu venir suite à des problèmes qui lui sont personnels. D'accord. Et donc du coup, il m'avait fait la promesse de revenir. Et donc cette promesse là, donc il l'a tenue. Et donc il m'a dit de choisir une date. On a choisi une date. On a choisi la date de la fête de la musique. Quand même. Et donc ça sera un concert gratuit. Wow. Pour tout le monde. Donc Pierre Paujac, donc ça sera au Champ de Mars de Remiremont. Et donc, voilà, c'est clair que là, on aura une très très belle fête de la musique, si le temps nous permet, bien sûr. Ouais. Mais voilà, et c'est aussi l'accès à la culture à tous, dont je reviens, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'aller voir un beau concert. C'est vrai. Voilà, des familles, des fois nombreuses, si on est 5-6, ça peut être très très coûteux, ça peut passer 200-300 euros facile. Ou c'est se priver, ou alors... Voilà, et donc on s'est dit, pourquoi pas chaque année, aller voir les entreprises locales, oui. et aller solliciter, par exemple, une petite aide, où on pourrait offrir une fête de la musique. Donc, à tous les consommateurs, en fait, parce qu'il y a aussi bien Leclerc qui nous aide. D'accord. Aussi bien Hanotin, Citroën. On a vraiment... Il y a Ange, la boulangerie Ange. Vous voyez, c'est tout le monde a joué le jeu. Il y a aussi des hôtels aussi qui nous aident. Hôtel Cheval de Bronze. Vous voyez, en fait, ils nous donnent tous, par exemple, ces sponsors, mais qui reversent, en fait, pour la population. Oui. Donc... Et même moi aussi, du coup, je... Excusez-moi. Bah voilà, il a le téléphone qui sonne, il est surbooké, cet homme-là, il est surbooké. Et donc, du coup, moi-même, je suis donc... notre association donc, paye aussi également cette subvention, on va dire, pour offrir... donc un gros événement, Pierre-Paul Jacques à la fête de la musique à Remiremont, ça c'est super. Alors où ça, rappelle-nous, au Champ de Mars? Au Champ de Mars, donc voilà. Et voilà. Ça, donc c'est bien, franchement ça fait plaisir et on a hâte de le recevoir également. Et ben, on a hâte de le voir. Ouais, il sera là. Ah, il sera là. Il sera là. Le temps, voilà. Même s'il pleut, on jouera. Venez avec vos parapluies. Comme je dis toujours dans mes émissions, le Vosgien n'a peur de rien. Et voilà. On connaît, nous, les quatre saisons. Hein. On les a en une journée. C'est vrai. C'est ce qui fait son charme. C'est ça. Donc, tu nous parlais aussi d'une association, Mathilde et ses amis Autisme et compagnie. Ils seront présents, bien sûr. Voilà, ils seront présents. Et il y avait une partie, donc... sera versée, donc, à cette association. Oui. Donc, qui lutte contre... Qui soutient des projets, qui soutient les autismes, donc qui mène des projets autour de l'autisme. Oui. Et donc, voilà, donc j'ai rencontré la présidente il y a quelques jours. Et donc, on s'est dit... ils seront là présents avec une tirelire également pour les soutenir parce qu'ils ont beaucoup de projets. Ouais. Et donc voilà, on reversera également une partie de la recette à cette association-là. Voilà, super. Vous pourrez venir applaudir et avoir le grand honneur de pouvoir voir Pierre-Paul Jacques à la fête de la musique à Remiremont sur le Champ de Mars et en même temps faire une bonne action si vous pouvez, que vous en avez envie, soutenir l'association Mathilde et ses amis Autisme et compagnie. Okay. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et également, vous pouvez ramener vos enfants car on a prévu des jeux pour eux. Ah. Il y a Leclerc qui va ramener donc des structures gonflables. D'accord. Pour que les enfants puissent s'amuser également, écouter de la musique tout en... Et donc les parents aussi également peuvent boire un petit coca tranquille, regarder les enfants jouent. Non, il faut vraiment créer quelque chose qui soit aussi... Parce que souvent on oublie nos enfants. C'est vrai. Je dis que non, mais je suis premier. Je ramène mon fils à la fête de la musique, il s'en fout de regarder des fois un concert. Mais là on s'est dit, attends, il y a quand même du monde, il y a des enfants, on va quand même mettre une petite structure pour eux. Ben voilà, il y en a pour tous. Il y en a pour tout le monde. Et ça c'est chouette. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est la première fois que vous faites quelque chose pour la fête de la musique J'avais fait l'année dernière au kiosque du Calvaire, on avait mes artistes locaux, d'ailleurs il y aura les artistes locaux. Hein. Alors pas oublié, il y a Pierre-Paul Jacques, il y a aussi l'équipe des Mauvaises Graines. Que l'on salue c'est un groupe que je suis depuis le début et que j'espère qu'ils iront trop loin, qu'ils iront loin, parce que vraiment, il faut les soutenir. Mm-hmm. Et également, on a aussi Mauric là, qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, qui souhaiterait revenir faire 2-3 titres. D'accord. Comme ça, toute amitié. Oui. on a également des artistes, voilà, nous on ouvre, on n'est pas fermé, quoi, en fait, c'est la fête de la musique, en fait, c'est la base. Hein. Et voilà. On vient, on joue, on s'amuse, donc on n'est pas fermé. Et ben voilà, super. Donc s'il y a de la place, c'est bien. Si après le concert, il y a encore un peu de place, Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. C'est la fête de la musique, en fait. C'était ça, là. C'était créé pour ça. Ouais, c'est vrai ? C'était créé. Je pense. Et donc, du coup, voilà, c'est... Du coup, il y a de la musique, quoi. Il y a de la musique, voilà, on vient. Djembé, ramenez vos djembé, ramenez vos... Ça va être la fête, la fête de la musique. Alors, on écoute, eh bien sûr, un titre de Pierre-Paul Jacques, hein, pour vous donner un avant-goût de cette fête de la musique, qui arrivera bien plus vite que prévu, hein, à mon avis. Ça passe vite, hein, le temps, ça passe vite. Donc, on écoute ça tout de suite, et puis on se retrouve ensemble juste après. Pierre-Paul Jacques, vous les retrouverez, vous le retrouverez à la fête de la musique à Remiremont, bien sûr, eh bien, le 21 juin. Et grâce à l'équipe eh bien, d'Airplay, hein, qui va vous proposer quelque chose quand même de pas anodin, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça c'est, fait voilà, plaisir. C'est le côté old school qui revient aussi. Voilà, c'est du à bon. À l'ancienne. Ouais, je pense qu'on l'a tous fait, hein. On les a tous fait dans les Vosges, quand je regarde là, les anciens, hein, du reggae. Hein. Eh oui. On avait fait Ragasonic, Naughty, Tonton David, Opios. C'est Emilia. C'est Emilia. Eh oui. Alpha Blondie. Eh oui. Ouais, je pense qu'on les a tous ramenés, nos anciens. Voilà. Du coup, la perche est lancée, on va en parler. Le festival reggae des Vosges, eh bien, c'était bien Festilac. Oui. Petite ombre au tableau pour cette année, il n'aura pas lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, selon les rebondissements qu'il y a eu, hein, oui. Festilac donc, a été annoncé par la mairie, donc on commençait la programmation. Donc, il y a eu un rebondissement de dernière minute de l'annulation de ce festival par la mairie. Et donc, on a nous-mêmes pas compris. Sachant que nous, on travaillait donc, depuis septembre. Une fois qu'on a fini un festival, nous, on repart tout de suite sur le prochain. Oui. Alors, on n'a pas le temps. Donc, ils nous auraient dit ça depuis le départ. Nous, on n'aurait même pas continué là-bas, quoi. Mais oui. Donc, du coup, là, ça ne nous laisse plus. Ils l'ont annoncé il y a un mois. L'annulation, alors que c'était annoncé en décembre. Oui. Et donc, du coup, là, on n'a plus le temps de pouvoir travailler. De rebondir. Surtout nous, notre association. Donc là, l'affaire est traitée par mon avocat qui, là, pour l'instant, monte un super dossier. Donc c'est pour ça que je peux pas trop en parler également. C'est sûr. Ça sera donc dans les mains de la justice et Elle tranchera sur le préjudice que notre association a encouru parce que du coup on se retrouve sans festival cette année. Notre public qui nous suit depuis toutes ces années, parce que le reggae on l'a apporté dans les Vosges. Ah bah oui. À la base on faisait notre festival ici à Remiremont, donc je vous ai dit on avait Tonton David pour tous ceux qui se souviennent au kiosque. Ça a commencé par là, ça a commencé ensuite par Ragasonic, Naughty, qui sont venus au Palais des Congrès donc l'année d'après. Oui. On a eu donc Pierre Poja qui avait annulé, mais voilà, il y avait toujours du reggae. Je suis un grand fan de reggae. Ah ben oui. Et aujourd'hui, personne ne peut dire que dans les Vosges, on ne l'a pas amené. On était les premiers à l'amener. Et donc, du coup, il y a eu ce projet donc, de délocalisation, parce que j'ai été approché par la mairie de Saulsure. Et surtout par un ami à moi qui habite là-bas. Oui. Et donc j'ai découvert ce site et de pouvoir proposer le premier Festilac donc avec Sensei Media. Oui. Donc il fallait aussi les motiver à venir parce que voilà, qui aujourd'hui va dire que je vais faire un festival à Saulsure. C'est sûr. Ou un artiste de dire je vais venir à Saulsure. C'est sûr. Voilà, si on ne les motive pas nous, voilà, c'est ce travail-là qui a été mis en place pendant 2 ans. Et donc il y a eu cette trahison cette année. Et moi, je ne suis pas trop dans le côté financier, le côté tout ça. Je suis plus sur le côté terrain et d'avoir confiance en une équipe. Et à mon avis, voilà, ils ont voulu chercher des choses là où il ne fallait pas. Et donc, voilà, c'est plus ça. Donc, ces gens-là, surtout une personne en particulier, que je ne pourrais plus respecter, en fait. Voilà, parce que c'est que du mensonge, de la manipulation. Et moi, je ne suis pas comme ça. Pour tous ceux qui me connaissent, en tout cas, ils savent très bien que nous, quand on veut faire un projet, on fait plaisir aux gens. On avait fait venir le plus grand artiste, je m'en souviens, Tony Carreira, le plus grand artiste portugais. Mm-hmm. Je suis pas portugais, bien sûr, mais j'ai fait plaisir à la communauté portugaise, vous voyez. Tout à fait. Et Alpha Blondie, c'est pareil. C'était 2 ans de négociation pour les gens qui savent pas. Ah oui. C'est 2 ans parce qu'Alpha Blondie, aujourd'hui, il est aux Eurocaennes. Mais c'est un festival qui est reconnu depuis 20 ans. Et là, c'était notre deuxième édition au Festilac. C'est vrai. Mais sachant qu'il y avait mon travail déjà d'avant ici, donc j'étais déjà en négociation. D'accord. Donc ce qu'il faut se dire, les gens, c'est qu'aujourd'hui, je suis déjà en négociation pour des artistes qui vont venir dans 2 ans. Eh oui. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, c'est un peu ce manque de respect-là que cette ville, que cette personne, bien sûr, qui représente cette ville, n'a pas su comprendre. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on reviendra en 2020 avec un grand festival de reggae. Oui. On a déjà des grands artistes qui vont venir. Ça sera. On en est sûr. Ça c'est sûr. D'ailleurs le rebondissement de ce qui se passe, voilà, ça nous renforce encore plus. Et voilà, les artistes reggae nous font confiance et ils seront là donc en 2020. Avec une belle programmation de festival, on veut pas bricoler un truc tout vite. Non, c'est sûr. C'est pas notre truc, c'est pas nous ça. C'est sûr. Donc on va se prendre le temps. On a 1 an et demi pour pouvoir vous proposer, bien sûr, quelque chose de qualitatif. Et oui, voilà. Comme toujours. Voilà. Donc, prochain Festilac, ce sera en 2020. Tous les festivaliers, ben, soyez un petit peu patients, ça va revenir, pas de panique. Pas de panique, pas de panique pour ceux qui nous connaissent, on sera de retour en 2020. Voilà. Voilà, un beau festival. Eh bien, écoute, en attendant, on rappelle à tous nos auditeurs donc, que les prochains spectacles de Total Comédie, eh bien, ce sera pour Haroun à Épinal, à l'auditorium d'Épinal le 9 avril. N'oubliez pas, s'en suivra Camille Lelouch le 17 avril à l'Espace Lac de Gérard. Mais on va quand même finir sur une note positive. Hein. On est venu parler de rire, on est venu parler légèreté. C'est sûr, parfois, il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler et qui malheureusement ne nous font pas toujours plaisir. Mais voilà, ça en tout cas, c'est bien mis en place et les gens sont ravis de tout ce que vous proposez. Et ça, c'est super. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Total Comédie sur Facebook où vous retrouverez, comme on vous l'a dit juste avant, tous les événements à venir. Et pourquoi pas vous procurer des billets, hein. Et puis, eh bien, on retrouvera bien entendu Pierre-Paul Jacques à la fête de la musique de Remiremont. On n'oublie pas Steven Savy qui sortira prochainement, eh bien, son album dont nous avons écouté le titre Dance With Me juste avant. Un très grand artiste en devenir, j'en suis sûre. Et puis, eh bien, pour ce Festilac, rendez-vous en 2020. On sera ravis de t'accueillir à nouveau pour en reparler. Super. Avec grand plaisir. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour nos auditeurs? Bon, merci à Radio Guémozon, hein. Oui. Donc de nous inviter, hein, également. C'est la radio locale qu'on suit depuis notre enfance. C'est gentil. C'est normal de venir ici, c'est ce que je disais. Voilà, on refuse pas cette radio et puis il faut la soutenir également. Ah bah, je sais qu'il faut quand même, il faut venir si vous avez des projets. Eh ben, on sera ravis de vous accueillir, ça c'est bien, bien entendu. Merci Moustapha d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de tout ça. Et puis on salue toutes tes équipes, hein, Daniel, Dorian, etc. Hein, qui œuvrent à tes côtés pour donner le maximum pour le public ici. Voilà. À très bientôt. Merci.